13e chapitre. Proclamation de la Révolution dans un village morbihanais. On a beaucoup épilogué sur les commencements de la Révolution française dans les campagnes de France en 1789. Suivant leur tendance, les historiens ont été impressionnés favorablement ou bien ont signalé les extrêmes désordres apportés dans les paroisses par le nouvel état de choses. Lorsque nous disons « nouvel état de choses », il n'était pas si nouveau que cela, car depuis un demi-siècle, un grand nombre de paroisses jouissaient de libertés politiques certaines. Elles nommaient à la pluralité des voix, suffrage universel, des délibérants, 12 par village, qui formaient un véritable corps politique. Le terme même était employé et homologué par des arrêts de la cour. Il est bon de faire remarquer que la fière obstination des paysans bretons les privilégiait et que toujours ils avaient su traiter de pair à égal avec leur clergé et leur noblesse, comme en témoignent irrécusablement tous les titres et tous les cahiers conservés dans les archives de nos bourgs. Il pourrait être intéressant de présenter avec impartialité des documents inédits extraits des registres du général d'Arzal, évêché de Vannes. Le général était l'assemblée des notables habitants chargée de discuter les intérêts spirituels et temporels de la paroisse. Les membres du général, qui étaient de simples paysans, jouissaient d'un pouvoir et d'une indépendance qui leur permettaient de lutter hardiment contre leurs prêtres et leurs seigneurs. Ceux-ci, presque toujours, s'ils réussissaient à faire dépenser beaucoup d'argent au général obligé de les poursuivre devant les tribunaux, étaient finalement déboutés et vaincus, comme en témoignent les innombrables procès intentés par les prêtres, les cultivateurs ou les petits nobles. Cet état d'esprit indépendant était celui des paroissiens d'Arzal, un humble village situé à l'embouchure de la Vilaine, en face d'un petit port naturel appelé Vieille Roche, et qui eut l'honneur d'abriter en 1756 la flotte royale de Monsieur de Conflans après sa malheureuse bataille contre les Anglais. Encore aujourd'hui, la lande occupe une partie du pays. En 1789, il n'existait guère qu'une seule route carrossable, le grand chemin auquel les corvéables travaillaient et qui réunissait Nantes à Vannes. Cette pauvre bourgade était donc bien isolée du monde. En face d'elle, elle avait l'océan, et par derrière s'étendaient à perte de vue les landiers. Cependant, des paysans intelligents et sensés y habitaient, et peut-être, comme compensation à son isolement, une vie intérieure plus intense animait-elle les chaumières et les métairies de ce village. Depuis un siècle, l'histoire locale s'y composait des habituels procès intentés aux nobles et aux prêtres, lorsqu'un décret du général des paysans, approuvé par le Parlement, décidait la levée d'une taille sur tous les possédants biens de la paroisse. Le fort est dans le faible. C'était la formule consacrée. Elle avait sa beauté. Quelquefois aussi, le recteur et ses ouailles se chamaillaient au sujet des réparations de l'église ou de certains offices que les prêtres avaient coutume de célébrer dans une chapelle templière distante de 2 kilomètres du bourg. Il y avait encore des poursuites intentées aux fabriques, marguilliers, qui ne voulaient pas rendre leurs comptes et de vigoureuses réclamations contre les héritiers du recteur décédé qui argumentaient afin de ne pas verser à la caisse du général l'argent de la succession. Ainsi, assez paisiblement et seulement animé par ces querelles judiciaires, s'écoulait l'existence de ce village. 1789 arrive. Les premiers coups de ce tonnerre, qui allait tout foudroyer, sont écoutés presque avec indifférence. Pontivy-et-Rennes, deux villes bretonnes, ne l'oublions pas, avaient été les annonciatrices de la Révolution. Arzal ne comprenait peut-être pas ce qui allait s'en suivre, et personne ne s'y émut, qui donc d'ailleurs pouvait prévoir complètement les suites de ce gigantesque mouvement, n'acclamait-on pas Louis XVI en 1789 ? À Arzal, le 20 mars, Assemblée générale des délibérants nommés au suffrage universel, des anciennes fabriques, marguilliers, et des notables habitants de la paroisse, faites par convocation à la messe matine et au prône de la messe paroissiale. Cette assemblée est présidée, en l'absence de M. le sénéchal de Vannes, par Olivier Floic, le plus ancien fabricien. On remarque parmi les assistants l'oncle, greffier de l'amirauté, Monsieur Kermasson de Kerval, un gentilhomme, et le Grippe de Trénu, un noble homme, ou devenu tel, récemment par l'achat du petit manoir de la Trénu, dont il emprunte le nom. Le sieur Floic dit aux habitants « Messieurs, adhérez-vous aux délibérations tenues à Rennes le 22, 24, 25, 26 et 27 décembre dernier, établissant le vœu général des communautés, communes et corporations et formant le cahier de réclamation de l'ordre du tiers aux États de la province de Bretagne ?» Le même Floic observe que la volonté du roi était qu'on nommât un député par paroisse pour présenter les cahiers de plaintes et de doléances. L'Assemblée nomme député Xavier Doré, son greffier. Évidemment, ces bons paysans élurent une des rares personnes sachant lire et écrire aisément, première condition pour devenir l'utile mandant de ses électeurs. Le sieur Xavier Doré est chargé de se rendre à Vannes le 1er avril pour se joindre aux députés des autres communes du diocèse qui rédigeront les cahiers particuliers des demandes et réclamations de l'ordre du tiers, notamment ce qui concerne les fouages, vingtièmes, francs fiefs et autres impositions et abolitions des corvées. Le général arrête que le sieur Doré sera muni d'une grosse en bonne et due forme de cette délibération et qu'il lui sera payé 6 livres par jour de son départ jusqu'à son retour à Arzal. Voici le député parti du village, à pied sans doute, à travers les ajoncs, le bâton au poing, ses livres en poche, afin de rencontrer à la ville les représentants de toutes les paroisses du diocèse. On l'accompagne un bout de chemin, mais arrivé sur le territoire de Musilac, on le quitte en formant des vœux pour le bonheur de tous. De loin, Xavier Doré soulève son chapeau dont les galons s'envolent. En attendant qu'ils obtiennent des nouvelles de leur greffier, les bonnes gens d'Arzal s'occupent de petites administrations locales et tandis qu'un monde nouveau s'inaugure le 16 août 1789, le général consent à ce que monsieur le recteur fasse placer où bon lui semblera la porte de communication qui conduit de la salle basse du presbytère à la cave, facilitant à monsieur le botte le curé l'accès de son vin. Comme les nouvelles tardent à arriver, le général assemblé en corps politique accorde à monsieur de Kermasson de Kerval, petit noble de la paroisse, la propriété de son banc à l'église, moyennant un versement de 24 livres. Mais voici que Xavier Doré annonce de grands changements apportés à l'administration des paroisses par des municipalités. Ce mot remplacera maintenant celui de « général ». Le 7 février 1790, le corps politique et la commune de la paroisse d'Arzal, réunis en une seule assemblée, déclarent qu'avant de procéder à la formation de la municipalité, il faut fixer la valeur locale des journées de travail qui détermineront l'imposition directe des citoyens dans le cas d'élire ou d'être élu et constater l'état de population de la paroisse afin de connaître le nombre des membres de la future municipalité. L'Assemblée décide que la population est de 1000 âmes, la valeur des journées de travail de 10 sous la journée, de sorte que tout citoyen payant 30 sols sera électeur et celui qui paiera 5 livres pourra être élu. On dresse donc, séance tenante, la liste des citoyens en état d'élire. En conséquence, l'Assemblée fixe au lundi 15 du présent mois la formation de la municipalité nouvelle et arrête la liste des citoyens actifs dont le cas d'élire et d'être élu sera publié dimanche prochain au prône de la grand-messe. Avant de se séparer, l'Assemblée charge M. Kermasson de Kerval, le seul noble de l'assistance, d'annoncer le sujet de la convocation. Suivent les signatures de Le Botte, recteur, Le Cam, prêtre, Kermasson de Kerval, François Floic, G. Le Botte, Jacques Riault. Tous les autres, au nombre d'environ 60 ayant déclaré ne le savoir faire, de ceux interpellés. Le dimanche suivant, 15 février 1790, les citoyens actifs sont convoqués à la manière ordinaire, c'est-à-dire par l'annonce au prône, le son de la cloche et l'appel nominal sur la place ou dans leur maison. Ils se réunissent dans l'église paroissiale, au bas de la nef, à l'effet de procéder à ces élections qui instauraient le régime révolutionnaire. Monsieur de Kermasson de Kervaille, qui, en sa qualité de hobereau, avait la parole facile, leur dit « Messieurs, par délibération de la commune et du général de cette paroisse, j'ai été chargé de vous expliquer l'objet de votre convocation. Il s'agit, messieurs, de constituer votre municipalité en conformité des trois lettres patentes du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale donnés à Paris au mois de décembre 1789 et janvier 1790 et d'une instruction de l'Assemblée nationale du 14 décembre dernier. J'ai l'honneur de remettre sur le bureau des exemplaires de ces quatre pièces et d'en requérir lecture. Vous apprendrez par là, messieurs, les règles que vous avez à observer dans cette opération et la forme que nous devons donner à chaque objet de nos délibérations. » Le dit sieur de Kervaille dépose les certificats des instructions et affiches ci-dessus et signe le procès-verbal sur le registre. L'Assemblée lui en donne acte, les fait lire par un des membres et arrête de procéder aux différentes opérations, ce qui fut fait comme suit. Premièrement, l'Assemblée a reconnu pour scrutateur à l'effet de recueillir et dépouiller les scrutins pour l'élection d'un président, d'un secrétaire et de trois autres scrutateurs, messire Julien Lescope, Yves Lecam et Yvon Lejallet, les trois plus anciens d'âge. Deuxièmement, pour la nomination du président, le scrutin ayant été recueilli et dépouillé par les scrutateurs ci-dessus, M. Lebotte, recteur, a été élu président de l'Assemblée à la pluralité relative des suffrages. Troisièmement, pour la nomination d'un secrétaire, M. Lecam, prêtre, a été élu secrétaire. Quatrièmement, le président et le secrétaire élus ont tout présentement prêté le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de choisir en leur âme et conscience les plus dignes de la confiance publique et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourraient leur être confiées. Cinquièmement, les membres de l'Assemblée, avant de procéder à aucune autre élection, nomination du conseil municipal, prêtent le même serment entre les mains du président. Sixièmement, au scrutin individuel recueilli et dépouillé par les trois scrutateurs, M. Lebotte recteur a été élu maire à l'unanimité, moins 30 voix réunies en faveur de M. de Kervaille. Septièmement, au scrutin de liste double pour la nomination de 5 membres du corps municipal, eu égard à la population de cette paroisse que l'Assemblée a reconnu s'élever au nombre de 1005 individus, ont été élus à la pluralité absolue des voix messieurs Pierre Seignard, Jacques Rio, Olivier Floic, Jean Daniou, François Letiec. Huitièmement, au scrutin individuel recensé par les scrutateurs, M. de Kermasson de Kervaille a été élu procureur de la commune à l'unanimité moins 24 voix en faveur de M. Lecam, prêtre. Neuvièmement, par un seul scrutin de liste, il a été nommé 12 notables faisant le nombre 12 de celui des membres du corps municipal. En conséquence, l'Assemblée a proclamé les citoyens élus à savoir maire, M. Lebotte recteur, officiers municipaux Pierre Seignard, Jacques Rio, Olivier Floic, Jean Daniou, Francis Letiec. Procureur de la commune, M. de Kermasson de Kervaille. Notables, Botter, Froussel, Jean et Julien Pivot, Grivos, Trémélo, Dréan, Bouillard, Roussel, Lescope et Santerre. Tous lesquels ont à l'instant prêté serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs fonctions. Fait et arrêté en la dite église paroissiale, sous les seins de M. Lebotte, maire, Lecam, prêtre, secrétaire, de Kermasson et des officiers municipaux, les autres assistants ayant déclaré ne savoir signer. Ainsi, il ressort de cet intéressant document que la Révolution française fut proclamée à Arzal dans l'église et que le régime nouveau eut pour premier chef le curé, son vicaire et le gentilhomme de la paroisse. D'autre part, dans le serment prêté, les élus juraient avant tout de maintenir la Constitution. Ensuite, ils promettaient leur fidélité à la nation et à la loi. Le roi arrivait déjà bon dernier dans cette énumération des devoirs civiques. Il n'y était pas question de la religion. Normalement, après cette séance, le général avait vécu. Un nouveau pouvoir l'avait remplacé, le conseil municipal. Et cependant, telle était la force de l'habitude et le respect qu'on avait pour cette vénérable institution, que les anciens délibérants qui, au terme de la loi nouvelle, n'avaient plus aucune autorité, se réunissait encore à la sacristie le 6 mars 1790, encore politique, et décrétait diverses mesures, comme celle de placer un banc devant l'ancienne chapelle de Saint-Sébastien, qui mieux est, et ceci est plus surprenant, le 28 mars 1790, le général adjuge la collecte des fouages aux deux fabriques suivant l'ancienne coutume. C'était un décret fort important. On voit par là que les ordonnances de l'Assemblée nationale et les formes de l'impôt personnel mirent quelque temps à traverser la France et ne furent pas appliquées de suite. Sans doute, un long travail de répartition était d'abord nécessaire pour pouvoir imposer la contribution directe avec justice. Mais nous allons trouver mieux. Le 20 août 1790, le général se rassemble et constate l'absence des juges de la juridiction de Broël, juridiction de la paroisse. Sans doute les fonctions de procureur fiscal et de sénéchal n'avaient pas encore été abolies, bien que ces officiers représentassent au plus haut point les pouvoirs seigneuriaux de l'ancien régime. Malgré leurs défauts qui semblent les étonner, les délibérants discutent une sommation renouvelée de Yves Jolivet, receveur des décimes, réclamant 393 livres, 12 sols de la paroisse. Déjà une première fois, en juin 1785, ce receveur avait réclamé cette grosse somme à Arzal, mais les délibérants avaient justement protesté que le général ne possédant aucune fondation et n'ayant d'autres revenus que les quêtes, il ne voyait pas sur quel fondement on pouvait imposer la fabrique aux décimes. Ses impôts se levaient sur les revenus et les fondations. Cependant, l'excellent Yves Jolivet, avec la douce ténacité et la sage lenteur d'un fonctionnaire, attend 5 années et une révolution pour réclamer à nouveau au général qui, moralement, n'avait plus d'existence juridique, les 393 livres pour 96 termes échus sur les revenus d'une assemblée qui n'en avait jamais possédé. En présence de cette réclamation, les délibérants donnent leur procure à maître Josse, avocat à Vannes, pour dresser toutes les défenses et réponses à la dite sommation sous la constitution de maître Josse, père procureur. Ne croyez pas que l'affaire soit finie. Le 20 mars 1791, l'honnête receveur des décimes, c'est une réclamation de l'ancien régime, revient à la charge et on lui répond qu'on le contraindra à renoncer à ses prétentions. Voici 6 ans qu'il réclame. Fait typique, le conseil municipal nommé l'année précédente n'a laissé aucune trace de ses délibérations. Et, ce qui est plus curieux encore, le 8 mai 1791, le général adresse une pétition au directoire du département du Morbihan, nouvelle division territoriale, pour lui demander la permission de faire abattre des arbres de nulle valeur qui sont dans l'enclos du presbytère, dans le cimetière et aux environs de la chapelle de Lanterne. Maintenant, les coupes de bois et les dévastations de forêts domaniales ou privées, avec ou sans permission, vont commencer partout. Et ceci sera une des conséquences de la confusion entre les divers pouvoirs établis et des conflits, ils existent toujours, entre les affaires civiles, militaires ou maritimes. Cette séance du 8 mai 1792 devait d'ailleurs être la dernière du général, qui devait céder la place au conseil municipal pour la gestion des intérêts généraux de la paroisse. Au lendemain de cette assemblée historique pour Arzal, le régime révolutionnaire inaugurera la séparation complète entre les affaires civiles et religieuses, ces dernières rentrant dans le ressort des conseils de fabrique. Les cahiers d'Arzal sont interrompus à cette date et nous ne saurions rien des suites de la révolution en ce coin de Bretagne si les registres de correspondance de la municipalité de Musillac, devenue le chef-lieu de canton de la commune d'Arzal, ne nous avaient été conservés à partir de l'an 5. Bien entendu, à Musillac et à Arzal, comme partout d'ailleurs en France, du nord au midi, les descendants des acheteurs de biens nationaux et toutes les familles jadis révolutionnaires et aujourd'hui devenues de par la possession des biens ecclésiastiques ou seigneuriaux, les plus fermes amis de l'ordre et de la religion, ont fait brûler les procès-verbaux des séances de ces 5 premières années de la Révolution. À la date du 2 Ventôse, an 5, nous lisons dans le cahier de Musillac que la métairie de Kergal avait été confisquée sur maître champion de Cissé émigré. La maison ayant été brûlée, il faut demander au département l'autorisation de prendre à Broël en Arzal, ancienne juridiction et propriété du seigneur de la paroisse, le bois nécessaire à la réparation. Nous allons entrer là dans une suite de discussions au sujet de bois qui ne seront pas piqués des vers, mais disputés et dérobés comme par miracle. Aussi bien, cela constitue l'histoire rurale et intime de la Révolution. Le 11 Ventose, le maire de Musillac écrit en ces termes au citoyen David, agent d'Arzal et employé du citoyen Kellenec, administrateur de la commune pour la République. Le maire de Musillac défend son subordonné Duboyer qu'il avait envoyé chercher à Broël le bois nécessaire aux charpentes de la métairie et l'aimant pour faire du feu. Au citoyen David, le citoyen Duboyer, agent de cette commune, Musillac, m'a dit avoir eu une discussion avec vous relativement au bois que nous avons fait exploiter à Broël d'après les ordres du département. Je suis fâché de ne m'être pas trouvé là pour vous prouver que les bois que nous avons fait prendre n'étaient propres qu'au feu. Vous lui avez dit que les hêtres étaient propres à faire des avirons. Quand ils sont verts et de brun, ils servent encore quelque temps. Mais des bois échauffés tels que ceux que nous avons fait prendre ne peuvent servir qu'à feu. Je sais à n'en point douter que le citoyen Kellenec d'Arzal a cherché à répandre dans Vannes que le département avait une confiance aveugle dans nos opérations. Notre conduite est à l'ordre du jour et nous ne craignons pas la calomnie. J'en aurai trop long à vous dire sur le compte du citoyen Kellenec qui ne cherche qu'à mettre la zizanie entre les habitants d'Arzal et l'administration municipale de Musillac. Je vous invite et requis au nom de la loi de me faire avertir du jour de votre commodité pour me rendre à Broël en votre présence et celle de charpentiers experts dûment appelés à constater les qualités des bois qui restent. Les démêlés s'aggravent. Mais voici le plus comique de l'affaire. Un troisième larron inconnu enlève les arbres sans autre forme de procès. Le 22 Ventose, le maire s'adresse au département. Citoyens, à la réception de votre lettre par laquelle vous nous autorisez à prendre du bois à Broël pour faire la charpente de la métairie de Kergal, je me suis transporté à Broël pour désigner les bois qu'il fallait employer. J'ai vu avec douleur que le bois disparaît à vue d'œil. Après avoir parcouru le terrain, j'ai aperçu des pièces de 18 pouces d'écarissage sur 30 pieds de long qui avaient été rognées par le boue. Si on enlève promptement le bois, il disparaîtra un continent. Ce n'est pas tout. La malheureuse forêt et ses voisines n'est pas au bout de ses tribulations. Les différentes administrations vont littéralement s'arracher leur frondaison. Le 12 Germinal an 5, le maire écrit à l'ordonnateur de la marine « Je viens de recevoir votre lettre qui m'apprend que l'administration du département vous a informé qu'il existait à Broël du bois appartenant à la République. Il m'a été dit que ces bois avaient été destinés à la marine. Ce qui le prouve, c'est qu'il en avait été charroyé de 300 à 400 voitures pour être embarqué. Un gros d'eau les enleva presque tous. Ils furent dispersés sur les paludes et le long des côtes de la Vilaine. Il existe à Keralio, maison appartenant au citoyen Aye de Nétumière, environ 50 pièces de bois qu'il avait données à la République. Le garde de cette maison est venu nous dire qu'il s'y commettait des dilapidations, ce qui m'a obligé à écrire au département pour en faire l'enlèvement. Il existe dans le cimetière de Bourpol un ormeau de 10 pieds de diamètre sur 30 pieds de long. L'officier de génie qui est en ce moment à la Roche-Sauveur m'a dit verbalement que ces bois appartenaient au génie et non à la marine. Allons bon, voici le génie qui réclame. Cette fois, c'est la fin des forêts en cette contrée. Il semblerait par la reproduction de ces documents que toute l'action révolutionnaire en cette partie du pays se résumât en contestation au sujet des bois des ci-devant. Nous trouverons maintenant le souvenir des réquisitions qui marquèrent les premières années de la République. Le 6 floréal de la même année, le maire de Musillac s'émeut des charrois extraordinaires exigés de la petite commune d'Arzal, qui est bien mal placée pour sa tranquillité, car elle voisine le port de Vieille-Roche sur la Vilaine et elle se trouve entre les cantons de Musillac et de la Roche-Sauveur, Roche-Bernard, sur le grand chemin de Nantes à Vannes. Citoyen, en appelle le maire, vous assujettissez la commune d'Arzal à procurer charrettes et chevaux proportionnellement aux autres communes de passage. Nous vous faisons observer qu'Arzal fournit dans les charrois extraordinaires au canton de Musillac et fournit en outre par semaine 2 charrettes et chevaux pour les besoins du détachement cantonné à Vieille-Roche. Nous avons été surpris de voir votre arrêté qui autorise Roche-Sauveur, Roche-Bernard, à étendre ses réquisitions sur notre canton. L'administration de la Roche-Sauveur s'est décidée à prendre à 2 grands lieux une charrette pour les bagages de la 46e demi-brigade. Nous vous invitons, citoyens, à donner des ordres pour distraire la commune d'Arzal des réquisitions de la Roche-Sauveur, attendu qu'elle a déjà 3 cantons pour prendre toutes ses voitures et chevaux dont chacun est beaucoup plus grand que celui-ci. Par ailleurs, l'administration départementale soucieuse d'assurer la légalité et la dignité aux assemblées municipales s'inquiétait de la tenue des procès-verbaux. « Hélas, répondait le maire, les cahiers d'Arzal ne sont pas revêtus des formes qu'ils doivent avoir en pareil cas par l'ignorance de ceux qui composent ces assemblées. Au surplus, les conseillers nommés nous paraissent d'honnêtes gens et ne sont point dans le cas de la loi du 24 frimaire. » Il y avait aussi la question importante des vivres à fournir aux villes par les campagnes. L'on sait assez que si la Révolution avorta et fut remplacée par l'impérialisme, elle le doit à la résistance des campagnes qui ne voulaient plus céder leurs grains, leurs pains et leurs animaux contre des assignats. Au 23 Messidor de l'an 5, la commune d'Arzal avait fourni aux citoyens Trochus, garde-magasin des vivres à Vannes, un nombre respectable de charrettes de vivres divers pour lesquelles il lui était dû de l'argent. La vie agricole avait éprouvé assez peu de changements dans une région où il y avait, avant la Révolution, déjà beaucoup de paysans petits propriétaires. Néanmoins, un certain nombre de fermiers et métayers se trouvèrent avoir pour maître la République, en l'absence des émigrés dont on avait confisqué les biens. Pour preuve, cette pièce curieuse du 25 Thermidor. Elle émane de la mairie du canton de Musillac, à l'agent municipal d'Arzal. En vertu de l'arrêté du 23 Fructidor, le fermier de la métairie de Bilère sur votre commune a été autorisé à en jouir pendant 1 an qui échoira au 13 Fructidor prochain, 1er septembre, vieux style. En autre clause, il fut stipulé qu'aussitôt la maturité des grains, ce fermier serait tenu d'en prévenir l'administration qui, de suite, doit nommer un commissaire pour être présent tant à la coupe des 10 grains qu'à la batterie 10 œufs pour la récolte entière être partagée par moitié entre le dit fermier et la République. Nous vous prions, citoyens, au nom du bien public, de nommer un commissaire digne de votre confiance pour assister à la coupe, à la batterie et au vantage. Mais nous vous prions de faire bien attention, avant de procéder au dit partage, de mettre à côté la quantité de 12 boisseaux de seigle, de 4,5 boisseaux de froment, et 5 boisseaux de seigle, 4,5 boisseaux de froment, et 5 boisseaux d'avoine, laquelle quantité avait été laissée au fermier pour tenir lieu de moitié de semences, et ce ne sera qu'après que cette quantité sera prélevée qu'il faudra partager le surplus de la récolte par la moitié. Nous espérons de votre zèle pour faire tout ce qui dépendra de vous pour que la République ne soit point laissée, lésée sans doute. L'administration décréta qu'on nommerait un commissaire. Seulement, le difficile fut d'en trouver un dans la commune d'Arzal. Le conseil municipal objecta qu'il n'en pouvait trouver à le faire gratis et demanda le traitement qui lui serait alloué pendant ce temps. Le maire prévient surtout l'administration départementale et la prie de mettre les points sur les i. Dans le cas que vous accordiez un traitement, veuillez bien en déterminer le montant afin que nous puissions leur en donner connaissance le plus tôt possible, la moisson s'avançant et cette ferme étant à moitié entre le fermier et la République. Enfin, moyennant un traitement modique de quelques livres, un brave paysan voulut bien être commissaire au partage. Avec l'an 5 de la Révolution et l'an 6 et l'an 7, les événements se précipitent et, de Paris, le volcan s'étend maintenant jusqu'aux plus reculées des communes. Ainsi, le bon petit Arzal lui-même commence à être terroriste, ou du moins terrorisé. On lit sur le registre de la municipalité, au mois de frimaire en 6, envoyé au ministre général de la police de Paris, Copie authentique du certificat de résidence d'Auguste Marie Lahaye de Sill du 17 frimaire en 5. L'orage est à son comble. La Vendée et la Bretagne commencent à s'émouvoir. On parle des contre-révolutionnaires. Il n'y a plus aucune sécurité pour les ci-devant et les gros propriétaires favorables, pense-t-on, à la révolution royaliste. Les municipalités de Musiac et d'Arzal sont pourtant pleines de prévoyance pour eux et elles avertissent en ces termes le citoyen, le cadre, rentier, demeurant à Broël, commune d'Arzal. Nous sommes au 30 Germinal en 7. Les accidents multipliés qui ont eu lieu dans nos environs nous portent, citoyens, à vous prévenir que nous craignons que vous ne soyez en sûreté dans le lieu que vous habitez, étant éloigné de tout secours. Nous n'avons aucune certitude qui doit rien vous arriver. Mais pour votre propre sûreté et pour ne pas compromettre la responsabilité de la commune qui vous habite, nous vous invitons à vous retirer dans une cité où ni vous ni personne n'ayez rien à craindre et à nous accuser réception de la présente. Signé Saluc. Enfin, voici la dernière pièce que nous citerons et qui prouvera bien que la révolution proclamée dans l'église paroissiale d'Arzal, sous la présidence du curé nommé maire et du gentilhomme de Kermasson de Kervaille élu procureur, a rompu complètement avec la tradition et le passé. Recopions sur le cahier ces lignes concises. 23 Floréal en 7. Demande adressée au département sur quelle caisse seront payées les deux voitures qui ont conduit les effets d'église de la commune d'Arzal à Musiac et d'ici à Vannes. Puis, c'est la guerre partout, la guerre à la frontière et à la chouannerie. Alors, tout est aux choses de l'armée depuis qu'à Paris a retenti la grande voix de Danton. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Le 8 Brumaire en 8. Le département demande à la commune d'Arzal 20 lits complets pour les casernes de Musiac. Pour ce moment. Ici, l'histoire locale d'Arzal rentre dans la grande histoire provinciale et les faits en sont trop connus pour que nous ne nous bornions pas ces pages aux extraits qu'on vient de lire et qui résument les diverses phases d'un des mouvements les plus formidables de l'humanité. Sans doute, il aura semblé à beaucoup de nos lecteurs qu'ils considéraient la Révolution par le petit bout de la lorgnette. Qui sait si ces modestes et puériles délibérations ne montrent pas au moins le peuple de nos campagnes tel qu'il était à l'origine, en 1789, dans ses rapports avec son clergé et sa noblesse, fait très important. Mais, répétons-le, il ne faut pas généraliser cette histoire d'une paroisse. La Bretagne avait toujours connu un régime d'indépendance dont le Parlement fut le champion inlassable et incontesté depuis Louis XIV. Un demi-siècle avant la Révolution, la représentation libre et le suffrage universel existaient, enregistrés par des arrêts de cour. 1789 trouva donc en Bretagne beaucoup de portes ouvertes. Pourtant, le discret messire Le Botte, recteur et maire et monsieur de Kermasson de Kervaille, ne pouvait prévoir l'avenir de cette révolution dont, si énergiquement, il s'affirmait les défenseurs par devant la nation, la loi et le roi.